prendre et de trouver une place pour aller m'installer pour commencer à faire le sport. Oui. Et quand je me suis retournée pour partir, j'ai trouvé une place pour m'installer. Et c'est comme si j'avais ramassé du sable pour déposer à l'endroit où je devais m'installer pour faire du sport. Et il y avait un restaurant qui était juste en face et je voyais comme ça, comme s'il y avait une main en face de moi. Oui. Et le monsieur qui avait le restaurant me disait, pourquoi tu viens t'installer ici? Est-ce que tu as demandé la permission avant de t'installer là? Et du coup, je me suis retournée pour regarder s'il me parlait à moi ou il parlait à quelqu'un d'autre. Et quand je me suis retournée, j'ai vu un monsieur qui venait, c'est comme si c'était un coach qui venait m'apprendre à faire du sport, mais il dansait, il venait vers moi. Et quand je me suis retournée pour pouvoir voir le monsieur qui me parlait en face, tout soudainement, il y a eu l'enlèvement. Ça partait fiou. C'était tellement rapide. C'était en pleine journée. Oui. Ça partait fiou. Et je me suis rappelé que l'enlèvement devait être lieu. Oui. Et je me suis mise à prier. Je dis, Seigneur, pardon, enlève-moi, Seigneur, prends-moi. Prends mes enfants. Seigneur, enlève-moi. J'étais maintenant en train de supplier le Seigneur de nous enlever. Mm. Et j'ai arrêté la prière. Je vois qu'il n'y avait plus rien. L'enlèvement a eu lieu. Et j'étais tellement découragée dans le sang. Je dis, ah, mais Seigneur, tu es venu, tu as pris les autres, mais pourquoi tu n'as pas pris? Pourquoi tu as laissé les enfants? Seigneur, pourquoi tu n'as pas enlevé les enfants? Pourquoi tu as laissé les enfants? Tu veux dire, prends les enfants, pourquoi tu les as laissés? Et j'ai commencé à me lamenter. Je me suis retournée, je partais. Automatiquement, quand je me suis retournée, mon visage est parti, c'est tout comme si je pouvais voir dans le film d'Apocalypse où... Un cheval qui venait avec l'ange de la mort, où on pouvait dire c'est le plus terrifiant qui va venir, l'ange de la mort, qui est venu avec une colère, ils étaient deux, il y avait un grand, un petit, avec un cheval noir, sombre, et ils ont commencé à se battre. Oui. Et le petit, lui, voulait commencer d'abord avant le grand. Oui. Donc, du coup, les deux ont commencé à se battre. Oui. Et le Seigneur a enlevé mon visage. J'étais la seule personne à voir ça. Oui. Et le Seigneur, tout le monde, pour enlever mon visage là-bas, il m'a montré encore des gens qu'ils ont séquestrés, des gens comme des, ils étaient tellement grands, ils étaient habillés comme si c'était des militaires, mais ils étaient de dos, c'était pas des militaires, mais ils ont commencé à encercler des gens déjà qui ont commencé à torturer. Oui. Et du coup, je les regardais, et j'avais deux personnes avec moi, deux femmes. Oui. Et les femmes disaient que on va fuir, il faut qu'on quitte ce pays pour aller dans un autre pays, il faut qu'on court, on quitte ici. Oui. Et du coup, je les ai suivis, on est rentrés dans une maison. Oui. Quand on est rentré dans la maison, je recommence à me lamenter encore. Je dis, Seigneur, même si tu n'as pas pris, pourquoi tu n'as pas enlevé les enfants? Pourquoi tu n'as pas pris mes enfants? Pourquoi tu n'as pas enlevé les enfants? J'étais plutôt fixée sur les enfants. Mm. Et j'étais triste. Quand on est rentré, les femmes qui étaient là, se sont retrouvées en train de faire une réunion. Moi, j'étais tellement abattue. Mm. J'étais vraiment abattue. Je suis allée m'asseoir. Tout ce temps, on disait, ça ne rentrait pas dans mes oreilles. Mm. Et tout d'un coup, je me rends compte que tous ceux qui étaient dans la salle, dans la maison, se sont retournés vers moi et il y avait un monsieur qui était arrêté. Et là où j'étais assise, il y avait une lame qui était déposée, la lame qu'on prend pour couper les choses. Ils ont pris la lame, ils se sont dirigés, il y a quelqu'un qui s'est mis à la hauteur de mon genou. Ils ont commencé à me raser la jambe. Mm. Et je pouvais voir sur ma jambe, j'avais beaucoup de poils sur la jambe. Mm. Je vois qu'ils sont en train de me raser la jambe et j'avais mal. Mm. Et puis je dis, mais pourquoi ils sont en train de me raser la jambe, j'ai mal. Et automatiquement, je me suis rendu compte que quand le Seigneur est arrivé, j'avais les jambes en l'air. Ça veut dire que j'avais porté un truc qui était court. Oui. Je me suis rappelé que c'est suite à cela que le Seigneur m'a pas prise. Oui. Voilà pourquoi je suis restée. Oui. Et automatiquement, je me suis réveillée. Oui. Et là, quand tu t'es réveillée, quel était ton état? Ton cœur était comment? Ah non, quand je me suis réveillée, en plus, là, j'ai loupé un truc parce que dans le son, j'ai demandé aux filles, est-ce que je suis en train de rêver ou c'est la réalité de ce qui s'est vraiment passé? Oui. Mais c'était réel. Les filles, elles me disaient, non, tu rêves pas, ce que tu viens de voir là, ça s'est vraiment passé. Oui. Donc là, dans le son, j'étais vraiment abattue. J'avais tellement peur. Donc, quand je me suis réveillée, j'avais tellement peur, je me suis assise. Et puis, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Je dis, Seigneur, tu es venu, tu ne m'as pas pris, mais pourquoi tu n'as pas pris les enfants? Mm. Et toute la journée, je n'étais pas bien. Et le soir, me revient à chaque fois dans la tête. Je suis restée pendant ce jour-là jusqu'à le lendemain, je n'arrivais pas à manger. Oui. Mais Seigneur, je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu m'as montré? J'ai vu ce songe. Mais le fait que j'ai vu l'ange de la mort qui arrivait avec une colère pour venir nous percuter, les gens qu'ils ont mis à côté dans ces questions, et nous qui étions là-bas, qu'est-ce que, en fait, moi, la question, je veux savoir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Oui. Parce que je me dis que à tout moment, le Seigneur est en train de nous avertir qu'à tout moment, on doit être prêt. Oui. Parce que quand j'ai vu le son, c'était en pleine journée. Oui. Chacun était occupé à faire ses trucs. Mmh. Et il y a eu l'enlèvement. Mmh. Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Je veux vraiment trouver une réponse à ça. Ça me perturbe. Mmh. Donc jusqu'à présent, tu es perturbé par ces songes-là? Je suis perturbé par ça. En tout cas, le Seigneur, il ne fait rien sans avoir averti. Et tôt ou tard, il va avertir ses enfants et il avertit toujours. La Bible déclare qu'au dernier jour, quand il versait son esprit, les fils et les filles prophétisant, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Et il, met des songes à ses, il donne des songes, des visions pour mettre des sceaux à ses instructions, pour nous corriger afin que nous marchions dans la sainteté. Et cette sainteté, justement, la Bible déclare que rechercher la sanctification, la paix et la sanctification sans laquelle nous n'y verrons le Seigneur. Donc, ça veut dire, le Seigneur t'invite à davantage de sanctification et invite tous ceux qui vont écouter maintenant à davantage de sanctification pour être prêts à tout moment parce que personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni le moment. Et ça va venir de façon spontanée, de façon exprès, de façon rapide et en un clin d'œil, ça se sera passé. Et le plus grave, c'est qu'il n'y a pas une, il n'y a pas deux. Donc quand ça se passe, tu te rends compte que c'est passé, ça veut dire que ça c'est passé. Voilà. Ça s'est passé. Ce sera les cris de lamentation, on sera dans les ténèbres du dehors. Donc il faut que chacun se prépare. Et quand, comment était l'aspect de ces chevaux-là comment, et les personnes qui le montaient? C'est de nous décrire cela, voir ce que tu vois dans ton songe. Ben, en fait, dans le songe, c'était comme un esprit qui était arrivé, mais c'était un esprit de mort. Mm. Qui est arrivé, il y a eu un grand, un petit. Oui. Mais ils sont venus avec une force sur un cheval. Mm. Ils sont venus avec une force. Oui. Mais sombre, mais habillés d'un vêtement sombre. Oui. Mais ils étaient prêts, c'est-à-dire que dès que l'enlèvement a eu lieu, dès qu'ils étaient déjà là, c'est comme si ils étaient à la porte, ils attendaient ça automatiquement. Oui. Donc, à l'instant où l'enlèvement a eu lieu, ils ont apparu directement. Directement, voilà. Mm-hmm. Directement, ça a eu lieu, directement, ils étaient déjà là, directement, ils avaient déjà séquestré. Ça veut dire qu'il n'aura même pas le temps, dès que le Seigneur va enlever ses enfants, il n'aura même pas le temps, même ça va se passer automatiquement. Dès que. Mmh. Et donc là, qu'est-ce que ça implique pour toi-même qui as eu le songe? Je dois revoir ma vie. Amen. Je dois revoir ma vie parce que je me dis, comme je pouvais dire qu'on pense qu'on vit la vie de la sanctification, on pense que nous, dès que le Seigneur arrive, parce qu'on écoute la parole, parce qu'on a commencé à ne plus porter des pantalons, ces trucs, dès que le Seigneur arrive, on va partir. Mmh. Ce que j'ai compris dans ce songe, que nous devons vraiment rentrer en nous-mêmes, chercher à nous sanctifier et vraiment être prêt pour l'enlèvement. Parce que si le Seigneur arrive tout de suite, je ne pense pas que ça sera chaud. Oui, ça sera vraiment chaud. En tout cas, la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 27, le verset 27 dit, « Il n'entrera chez eux rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Et la Bible déclare au verset 12, du chapitre 22 d'Apocalypse, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga. » C'est ce qui est écrit. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre des vies et d'entrer par les portes dans la ville. » Puis dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Le verset 11 du chapitre 22 de l'Apocalypse dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, si les gens nous écoutent maintenant, et quel que soit le niveau de sanctification dans lequel ils se retrouvent, il y a encore davantage de sanctification dans le niveau de sanctification à avancer. Donc, la sanctification n'a pas un niveau standard où il faut s'arrêter tant qu'on est sur la terre. Parce qu'au fur et à mesure, le diable développe des techniques pour nous souiller, pour souiller nos pensées, souiller nos cinq sens, souiller notre âme et ainsi de suite. On doit rechercher la sanctification chaque jour devant le Seigneur, surtout la sanctification qui vient de lui. Comme 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 le dit. Ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Amen. Qu'est-ce que tu peux dire à nos soeurs? Y a-t-il quelque chose sur ton cœur pour les soeurs? En fait, je veux dire à mes soeurs, même au monde entier, que vraiment nous devons vraiment chercher la face de Dieu. Et nous devons nous dépouiller vraiment de tout. Parce que ce que j'ai vu, c'est terrifiant. Ce qui va arriver, ça sera terrible. Et je ne souhaite pas ça, même à un de mes ennemis, je ne souhaite à personne. Je demande vraiment qu'on regarde, nous rentrons en nous-mêmes pour vraiment chercher à savoir ce qui peut empêcher Dieu de nous prendre quand il va arriver. Il faut vraiment qu'on vit la sanctification, mais vraiment dedans. Et on doit veiller jour et nuit dans la prière. C'est vrai que c'est difficile à prier, mais il faut qu'on demande au Seigneur vraiment de nous remplir. En fait, que nous puissions prier, veiller et prier, parce que le Seigneur peut arriver à chaque moment, dans chaque minute, il peut être là. Donc vraiment, je demande pardon à tout le monde, vraiment, il faut qu'il y ait un réveil, il faut qu'on se réveille, ce n'est pas de l'amusement. En tout cas, que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen, merci mon frère. Amen. Appelez-vous Seigneur, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez